Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, amis lecteurs. Aujourd'hui, je reçois une invitée inattendue parce qu'elle a accepté de venir assister à cette émission de sa Normandie. Bonjour Vémargie. Bonjour Sarah, ravie d'être parmi vous. Et ben moi, je suis plus qu'enchantée de vous recevoir pour votre premier livre, Par effraction, aux éditions MVO, que vous avez eu la gentillesse de bien vouloir venir nous présenter. Alors, l'émission va se dérouler sous un format un peu différent aujourd'hui, parce que l'émission sera exclusivement consacrée donc, à notre auteur, en 5 questions. Et puis à la fin, on fera quand même toujours le petit caprice de la semaine, donc la petite lecture coup de cœur. Est-ce que tu es prête, Vémargie ? Au taquet. Ok, alors on y va. Alors, Par effraction, effectivement, c'est un roman qui est complètement inattendu, qui nous touche en plein cœur. Pourquoi ? Parce que ça pourrait être n'importe lequel de nous qui a eu un parcours un petit peu atypique, un petit peu douloureux aussi, on peut le dire. Alors, du coup, Vémargie, quand on referme les pages de ce livre, on se dit, mais à quel moment on décide de se livrer comme ça et de se dévoiler ? C'était la nécessité de se mettre à nu, de pouvoir partager un parcours qui est atypique et singulier du fait de l'arrivée d'un enfant différent dans une famille. Mm-hmm. Ça a de lourdes conséquences sur l'ensemble d'une famille. Tous les membres sont touchés. Il y a un chapitre qui s'appelle le tsunami. Ça embarque chacun des membres de la famille. Et j'ai eu la nécessité de partager ces moments-là et de les faire découvrir. Et le tsunami, il a lieu aussi pour les frères et sœurs, dont un des frères et sœurs est en situation de handicap. Mmh. Et il se passe beaucoup de choses qui ne sont pas vues et dont on ne parle jamais. Il y a très peu d'études faites autour de la fratrie. Et au travers de ce livre-là, j'ai voulu être aussi extrêmement sincère. D'accord. J'ai pas voulu me cacher. Certes, il y a un pseudonyme, mais c'est le seul moment où je me cache. Mmh. Mais dans le livre, c'est une nécessité de se mettre à nu. Okay. Et d'être sincère avec moi et avec les autres aussi. Parce que vous rentrez par effraction chez nous, dans notre livre et dans notre vie, parce qu'on vous suit pas à pas, donc de toute petite jusqu'à l'âge adulte. Donc là, on est sur Par effraction, tome 1. Il y a un tome 2, parce qu'en effet, ça s'est écrit en une seule foulée. D'accord. Je ne pensais pas écrire l'équivalent de livre. Et quand je m'en suis rendu compte, quand j'ai transformé mes pages A4 en format A5, le format d'un livre, là j'ai dit c'est extrêmement long, il faut faire quelque chose. Donc j'ai simplement à ce moment-là coupé le livre en deux. D'accord. C'est tombé sur le dernier chapitre, donc il y a un ange. Et il y avait une vraie logique à le couper à ce moment-là et repartir sur un tome 2. Voilà, ça s'est enchaîné. Mais moi ça a été écrit d'un bout à l'autre pendant un an et demi. J'ai travaillé tous les jours de 6 à 7 heures, non-stop. Donc comme une vraie journée de travail. Des vraies journées de travail, vraiment sans pause. Et ça a été un bonheur de le faire. Ça a été un travail d'écriture passionnant, parce que la langue française, c'est un outil fabuleux. Oui. Et je me régale. Et là, en ce moment, j'écris moins et ça me manque terriblement. Ouais. Avec 26 lettres, on peut faire tellement de choses. Absolument. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein. Donc, du coup, parce que la fin du tome 1, donc sans dévoiler cette fin, parce que voilà, sinon il n'y aurait pas de suspense, on finit sur quelque chose de très dur, très fort, qui vous percute de plein fouet. Il y a eu d'autres étapes dans votre vie qui vous ont percuté de plein fouet. Bon, comment vous... Je veux dire, maintenant que vous l'avez purgé, parce que quand même, moi, ça m'interpelle, maintenant que vous avez purgé ça y est, c'est couché sur le papier, est-ce que ça vous a permis, vous, de mieux l'appréhender ou de mieux le vivre, quelque part, tous ces événements ? Je vais revenir à la langue française. Le fait d'avoir énormément travaillé en réécriture, parce qu'il y a eu le premier jet qui racontait, un peu comme on ferait une rédaction à l'école, qui était ennuyeux même pour moi à lire. Et c'est là où je me suis passionnée à rentrer dans le style, aller chercher un style. Et c'est là où je pense que j'ai commencé à me mettre à nu, vraiment. D'accord. Et j'ai trouvé ce fil conducteur et qui était effectivement extrêmement important et qui m'a permis... Je pourrais dire de me libérer, mais de libérer et surtout de rendre hommage aux gens que j'aime puissamment. D'accord. Voilà, c'est aussi ça, c'est un livre hommage. C'est comme ça qu'à posteriori, je le vis. C'est à toutes ces personnes qui ont croisé ma vie. Voilà, de leur avoir, je repense à ce lycéen qu'on voyait déambuler dans la cour avec sa blouse blanche de chimie qui était remplie de graffitis. Et du jour au lendemain, on apprend qu'il s'est suicidé. Vous ne l'avez plus vu, oui. Et voilà, quand je parle d'hommage, ce garçon-là, qui est, j'ai encore son visage, je le vois encore déambuler dans la cour du lycée, j'ai voulu lui rendre hommage en lui disant « Non, moi, je ne t'ai pas oublié. » Ah, c'est chouette. C'est ça aussi, pour moi, ce livre. Raconter vos rencontres aussi. Qui vous ont permis d'avancer. Absolument. Ah, c'est chouette. On va faire une petite pause musicale avec Véronique Sanson. À tout de suite. J'avais le goût des étincelles, que j'étais belle et puis rebelle. Si j'avais toujours mes amours d'avant, parmi mes amis, mes amours et mes amants. Tous les gens qui ont tué mon innocence et mon corps qui a porté ma souffrance. Ça m'emmène du rire aux larmes, ça m'empêche de prendre les armes encore. Une mise à mort dans un corps à corps. Je pensais pas pouvoir le faire sans avoir appelé ma mère d'abord. Et je l'appelle encore. À genoux et entouré de fous, contre tout fallait rester debout. Moi j'aurais pu fuir le combat, pas trahir les autres encore une fois. Pas de cinéma, pas saison de l'art. J'avais faim de faire la guerre sans pouvoir appeler ma mère d'abord. Mais je l'appelle encore. Et je l'appelle encore. Silence à Mora. Pas vraiment normal. Pour sortir des flammes sans plus jamais brûler mon âme. Je pouvais voir les hirondelles, le temps d'un vent et des ombrelles. Y a un goût amer qui reste longtemps parmi mes amis, mes amours et mes amants. Quand j'avais le goût des étincelles, quand j'étais belle et puis rebelle. Si j'avais toujours mes amours d'avant, parmi mes amis, mes amours et mes amants. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture avec Vémargi, qui nous vient, pour ceux qui n'ont pas écouté le début de l'émission, de notre belle Normandie. Est-ce que tout se passe bien ? Formidablement. Je suis très contente d'avoir traversé la France et d'être là auprès de vous, Sarah. Ah bah super, c'est super gentil. Alors, on va attaquer cette troisième question. Donc, il y a quand même deux personnages très très fort dès le début du roman, hein, qui vont s'estomper petit à petit. On a deux grands thèmes, on a votre frère, donc en situation de handicap, et votre père. Alors, votre frère handicapé, vous arrivez après, 3 ans après, dans cette famille, et puis votre père, alors lui, vous ne cherchez pas forcément son amour, c'est acté, c'est votre frère, point. C'est ça. Et puis, il y a le papa. Alors, le papa, lui, on se demande d'ailleurs, c'est très étrange parce que vous êtes en recherche de son amour, mais surtout, vous avez une peur inimaginable, enfant, c'est la perte de son amour. On a une espèce d'ambivalence entre le frère et le père. Est-ce que les deux sont liés ? C'est-à-dire, vous arrivez dans cette famille, vous êtes sûr de l'amour inconditionnel de votre frère, mais toujours dans cette angoisse de la perte d'amour du père. Est-ce que voilà, chez vous, c'est toujours un peu ambivalent, c'est une espèce de balance de Robert Val, où au contraire, maintenant, bon, vous avez grandi, vous êtes une adulte, vous avez franchi tout ça. Comment vous pouvez l'expliquer, ça, maintenant ? Alors, très simplement, quand vous me parlez, je dirais simplement, ça a été les deux hommes de ma vie. Ok. Tout simplement. Le premier, oui, mon frère, une évidence. On était... Jamais j'aurais pu imaginer un instant, un seul jour, une seule seconde de la vie sans lui. Comme je dis, je n'ai pas été programmée pour vivre sans lui. Ah oui. Et effectivement, mon papa, c'était, j'avais mis sur un piédestal parce que c'était un homme voilà, qui avait beaucoup de charisme socialement, au niveau du travail, très travailleur, et qui parallèlement, à l'inverse, à la maison, il ne pouvait pas. Je dirais simplement, voilà, c'est quelque chose qu'il n'a pas connu, lui, enfant, l'amour de ses parents. D'accord. Et du coup, il ne pouvait pas nous retransmettre ça. Il a pas essayé de... Alors oui, bon, les absents ont toujours tort, mais il n'a pas essayé justement d'aller à contre-pied de ce modèle qu'il avait eu. Alors, on aurait pu imaginer ça, mais je crois que ce qui s'est passé, c'est que le jour où mes parents, avant que je vienne au monde, oui. décident donc ils apprennent, ils vont voir mon frère, donc ils ne savent pas au démarrage. L'accouchement est quasi, enfin, catastrophique, mais les médecins laissent mes parents ressortir avec mon frère dans les bras sans leur dire que sans rien. Il va y avoir, ils n'en savent rien. Et au bout de 2 ans et demi environ, ils s'aperçoivent qu'il a des retards de développement, mmh. qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils rencontrent une grande spécialiste à Paris qui s'occupe des enfants malades et qui leur annonce la nouvelle en oui. leur expliquant qu'il ne marchera jamais, qu'il ne parlera pas, qu'il aura un retard mental important et que son espérance de vie sera de 7 ou 8 ans tout au plus. Et elle finit l'entretien avec ce conseil-là, une recommandation, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Ne restez pas sur un échec, faites un deuxième enfant. D'ailleurs, ça commence comme ça, le quatrième des couvertures. Donc voilà. Déjà, c'est hyper choquant. C'est, voilà. Parce qu'un enfant n'est jamais un échec. Enfin, voilà. Quel que soit, qu'il soit handicap ou pas, mais enfin, je veux dire, c'est pas en temps. Enfin, aujourd'hui, ça se passerait aujourd'hui, je pense que cette personne aurait des procès. Oui, puis je pense que c'était très maladroit. Oui, très. Très certainement. Oui. Moi, je n'ai pas réalisé le sens de la phrase, parce que c'est une phrase qui revient dans ma tête depuis ma tendre enfance. Ouais. Et quant à mon papa, je pense qu'il a appris au pied de la lettre ce mot échec, et que le fait qu'ils écoutent cette recommandation de faire un deuxième enfant, je suis le rappel de l'échec. D'accord, c'est comme ça que vous l'analysez. Si je suis là, c'est parce qu'il y a un échec et qu'il faut refaire pour ne pas faire un deuxième échec. La fameuse balance. Voilà. Et je crois que c'est quelque chose qu'il n'a jamais supporté. Ouais, parce que votre papa, vous le décrivez comme quelqu'un de travailleur, qui aime bien recevoir du monde, qui est un petit peu omnipotent dans son entreprise. Hein, super. Alors, il a un mode de management qui est très, très avant-gardiste pour l'époque. Tout à fait. Parce que, on fête la naissance de l'un, le mariage de l'autre, la nouvelle voiture. Enfin, on a l'impression, parce qu'aujourd'hui, c'est les méthodes de management. Donc, actuelles qu'on préconise. Lui, alors, il est aimé de tout le monde. Oui. Personne ne l'aime pas, ça n'existe pas. Non, c'est ça. Que ce soit ceux qui sont partis de l'entreprise, parce que c'est une entreprise familiale, c'est etc. C'est très familial. Beaucoup, oui. beaucoup de boulot. Vous, vous êtes baignée là-dedans depuis toute petite. D'ailleurs, il y a un passage dans votre livre qui est extrêmement drôle quand vous parlez de l'arrivée de l'informatique. Ah oui. Vous mettez des années avant de dompter le clavier avec les touches. Moi, j'ai beaucoup ri. Et de l'autre côté, effectivement, donc, comme vous le précisez, du côté familial, c'est l'échec. Quelque part. Il y a la photo en couleur qui est la partie professionnelle de mes parents. Pour eux, le magasin, c'est leur troisième enfant. Ah c'est, oui. c'est une machine à oubli. Okay. Le travail est une machine à oubli. Et du coup, ils s'y donnent tous les deux à fond, sans se laisser déborder. C'est un réel choix qu'ils font. Ouais. Moi, je le vois bien que finalement, si j'avais dû être jalouse dans ma vie, je n'ai jamais été de mon petit frère, mais j'aurais pu être jalouse du magasin qui me volait mes parents au tout quotidien. Tout le temps. Tout le temps. Ok. Alors justement, on parle de vos parents. Je voulais qu'on vienne un petit peu au sujet de votre maman. Mmh. Alors, vous décrivez votre maman qui, elle aussi, pour l'époque, est très avant-gardiste. Elle est sur tous les fronts. Elle passe 10-12 heures au travail. Elle s'occupe de la maison, des repas du dimanche avec la famille, les collègues, etc. Elle est très libérée. Hein. Elle fume comme un pompier. C'est ça. Elle boit de l'alcool. Elle ne se cache pas. Elle n'est pas un peu dans les apparences. Hein. C'est tout l'inverse. Elle assure sur tous les fronts. Votre maman, est-ce qu'elle vous a un peu servi de modèle dans votre parcours aujourd'hui ? Ou est-ce que vous vous dites, mais en fait, mais jamais je sacrifierai... Quelque part, elle s'est un peu sacrifiée, votre maman. Jamais je sacrifierai ma vie comme ça. Comment on vit avec une maman comme ça, sur tous les fronts ? C'est en image qui me vient comme ça, je pense à un matelas, un oreiller d'amour. sur lequel je peux encore poser ma tête aujourd'hui. Ah ouais, c'est chouette. Parce que quelqu'un qui a un grand cœur, qui a une générosité et qui, malgré le peu de temps qu'elle a, fait tout pour essayer de m'en accorder comme elle le peut. Oui. Et à chaque fois qu'elle peut intervenir, elle se... Je repense à une anecdote d'anniversaire où ils sont invités à un congrès. Ça tombe le week-end de mon anniversaire. Et ma maman me dit, c'est hors de question que tu ne sois pas avec nous pour ton anniversaire. Tu viens avec nous à Monaco. Ah oui, vous en parlez. Elle réorganise le séjour pour que je sois là. Donc c'est vrai qu'elle se plie en quatre, mais sur ses épaules repose effectivement pas que le magasin. Elle en fait toute la comptabilité. Elle fait également tout ce qui est administratif par rapport à... Quand on a un enfant handicapé, il y a de l'administratif, voilà, obligatoirement. Elle fait ce qu'elle peut par rapport à mes études. Moi, j'essaye toujours de faire au mieux pour pas leur poser de soucis supplémentaires. Voilà. Et vous faites, en fait, parce qu'à un moment dans le livre, vous dites, mais moi, en fait, j'apprends à me débrouiller toute seule. C'est pas dit comme ça, mais quelque part, vous ne voulez surtout pas être une charge supplémentaire. Je crois que ça a été un long combat pendant toutes ces années-là pour eux. Puis, quand je repensais à cette caisse où je dis que de l'argent de poche quand je revenais de colonies de vacances ou de mes voyages en Angleterre et en Espagne, si j'avais une fierté à leur redonner ce qui restait, parce que c'était les caisses, c'était la sueur de leur front de tous les jours. Et pour moi, c'est une valeur importante. Et la valeur du travail. Les remercier en disant, voilà, j'ai fait attention à ne pas tout dépenser pour vous redonner. Ils vous ont transmis ça, la valeur du travail. Énormément, ouais. Ça, c'est chouette. On va faire une petite pause musicale avant la dernière question. Et puis, on se retrouve juste après. Que je n'ai jamais eu, sais-tu, si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble. Un an après moi, tu serais né, alors on se serait plus quitté comme deux amis qui se ressemblent. On aurait appris l'argot par cœur, j'aurais été ton professeur à mon école buissonnière. Sûr qu'un jour on se serait battu, pour peu qu'alors on ait connu ensemble la même première. Mais il n'est pas là, à qui la pas à ma mère. Tu aurais pu chanter cela. Toi, frère, que je n'ai jamais eu, si tu savais ce que j'ai bu de mes chagrins en solitaire. Si tu ne m'avais pas fait faux bond, tu aurais fini mes chansons, je t'aurais appris à en faire. Si la vie s'était comportée mieux, elle aurait divisé en deux les paires de gants, les paires de claques. Elle aurait sûrement partagé les mots d'amour et les pavés, les filles et les coups de la trappe. Mais tu n'es pas là, à qui la faute? Pas à mon père, pas à ma mère. Tu aurais pu chanter cela. Toi, le frère que je n'aurai jamais, je suis moins seul de t'avoir fait pour un instant, pour une fille. Je t'ai dérangé, tu me pardonnes. Ici, quand tout vous abandonne, on se fabrique une famille. Thank you. caprices de lecture sur Fadjet. De retour avec le livre Par effraction, édité aux éditions MVO de Vemarji, qui répond très gentiment à l'ensemble de nos questions. Alors j'en ai une petite dernière. Je ne vais pas vous laisser repartir comme ça. Il n'en est pas question, hein, justement. Alors, jusqu'à la dernière ligne de votre livre, alors on rit avec vous, on pleure avec vous, parce que vous nous touchez vraiment au cœur. Hein. C'est vous, vraiment une façon d'écrire qui... Voilà, on a une espèce d'effet miroir, toujours. On compatit beaucoup. Et puis aussi, on se met en colère des fois, parce qu'on se dit, mais bon sang, il y a un peu plus. Est-ce que vous pensiez... avoir peut-être autant de succès ou approcher, parce qu'il y a quelques critiques déjà qui sont parues de votre roman, dont une qui est extraordinaire, qui dit « Mais moi, il a fallu que je me repose tellement le livre m'a pris avant de pouvoir écrire une chronique. » Est-ce que, voilà, le livre est édité, vous l'avez écrit, il est édité. Est-ce que vous pensiez avoir autant d'effets comme ça sur des lecteurs ? C'est toujours très touchant, vraiment touchant. C'est une jolie surprise. Après, ce livre, maintenant, il appartient à ceux qui vont le lire. Et c'est vrai que oui, on peut pas s'y attendre. On peut juste le rêver. C'est évident, ouais, qu'on le rêve. Et puis il y a cette notion aussi, on parlait de ma maman et de sa générosité. Mm-hmm. Il y a cette volonté-là. Je crois quand on écrit, qu'on partage, il y a cette notion de générosité. Et puis, encore une fois, c'est rendre hommage à ceux que j'aime et que j'ai aimés. Ouais. Moi, les gens que j'aime, de toute façon, je les aime au présent et toute ma vie. Ouais. Ah, c'est chouette. Du coup, c'est un beau témoignage d'amour. Moi, je trouve ça chouette. Tout à fait. Et du coup, est-ce que vous... Alors, c'est pas dans mes questions, mais bon, je suis un peu curieuse. Est-ce que vous envisagez d'écrire peut-être autre chose un jour ? Alors, est-ce toujours du roman ou plutôt du policier ? Voilà, quelque chose de... Est-ce que vous avez d'autres projets, par exemple, d'écriture qui seraient différents ? Ou au contraire, est-ce que vous aimez garder ce côté un peu émotionnel, personnel ? Et intime, tout à fait. J'ai beaucoup réfléchi, parce qu'une fois que j'ai eu fini les deux tomes, ouais, parce que les deux sont écrits, j'ai réfléchi justement à ce que j'allais faire par la suite en termes d'écriture. Et non, je crois que je me suis trouvée dans cet esprit-là, dans cet intime. Avec peut-être plus, il y aura peut-être des nouvelles. Il y a deux projets pour le moment. Il y en a un qui serait dans la continuité. Ça serait l'envers du décor de quand on écrit. D'accord. Donc ça, c'est le premier projet. Et le deuxième qui serait des petits tableaux, des petites nouvelles, des petits tableaux avec pareil une espèce de chronologie qui me suit. D'accord. Donc, c'est les deux projets qui sont en cours. D'accord. Lentement, en ce moment, parce que comme je disais, j'ai peu de temps, il faut que je traverse la France pour faire des émissions de radio, voilà. Mais oui, je ne lâcherai pas l'affaire, entre guillemets. C'est un tel bonheur d'écrire et puis effectivement, comme vous disiez, le fait que ce soit partagé et bien reçu, bienveillant aussi. Oui. C'est juste super. Bon, c'est chouette. On va faire une dernière pause musicale avec une très belle chanson de Barbara et on se retrouve juste après pour le caprice de la semaine. Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, et j'ai tourné bien des pages, sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. C'était déjà votre image, c'était vous déjà et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route j'allais le cœur fou, le vent de décembre, mais je l'ai au cou. Qu'importe décembre, si c'était pour vous. Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route. C'est le lac qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure si ce soir je vous jure que pour vous je lui fête à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver ou la neige à mon cou, pour que je perde patience et je calme ma violence. Ma plus belle histoire de moi. De nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage. Mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Le diable vous emporte, d'autres m'ont ouvert la porte. Heureuse, je m'en qu'il me fut doux ce premier sourire de vous, et pour une larme qui venait de vous, je pleurais d'amour, vous souvenez-vous, ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre, ici même vous en souvenez-vous. À vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire, c'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir je vous remercie de vous. Belle histoire d'amour, c'est vous. Caprice de lecture sur Fadjet. Dernière partie de cette émission où je vais vous parler du caprice de la semaine. Alors, cette semaine, on va parler d'un auteur suédois qui s'appelle M.T. Edvardsson, qui a écrit « Ceux d'à côté » aux éditions Sonatine. Alors, « Ceux d'à côté », c'est quoi ? « Ceux d'à côté », c'est un couple qui a deux enfants, qui habitent en Suède, et puis, on ne sait pas trop pourquoi, ils décident de déménager dans un lotissement, un petit peu résidentiel, un petit peu huppé, où il y a déjà des gens bien installés. Alors, c'est un petit peu caricaturé, hein. On a le couple de personnes âgées qui connaît tous les potins sur tout le monde. On a un gars qui est devenu célibataire, qui a perdu deux chats, une ex-mannequin qui se balade en bikini dans son jardin à longueur de journée pour aguicher tout ce qui ressemble à un homme, avec son fils de 15 ans, qui lui est complètement perdu. Et puis tout ce petit monde, petit à petit, ces nouveaux arrivants, ils vont se rendre compte que on rentre chez eux comme ça. Ils vont se rendre compte qu'il y a des petites tensions, et puis le mari de cette jeune femme n'est pas toujours aussi fidèle qu'il devrait l'être. Et puis cette femme se fait renverser en vélo par la voisine ex-mannequin. Et malheureusement, elle décède. On la prend très vite, elle décède de cet accident. Elle laisse deux enfants très jeunes et se marie complètement désemparé. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Et petit à petit, ça se met en place. Donc le roman est divisé en deux. Il y a avant l'accident, après l'accident. Et vous avez une espèce de roman choral où chaque protagoniste parle. Donc ça monte en puissance. Hein. Edvardsson est vraiment connu pour ça. C'est toujours dans des histoires de lotissement avec des histoires un peu glauques. Et la fin, évidemment, est complètement inattendue. C'est un vrai thriller psychologique avec des personnages suédois. Donc on est plutôt sur quelque chose d'assez carré. Hein. Caricaturé carré. On passe un très bon moment, hein, 400 pages plutôt sympas. Moi, j'ai une petite affection pour les éditions Sonatine parce qu'ils nous proposent toujours des choses un peu comme ça. Et puis, j'ai en plus une affection pour les auteurs nordiques. Donc, vous retrouverez la chronique sur capricesdelecture.fr. Je vous souhaite de très belles lectures. Encore un grand merci à V. Margie qui s'est déplacée jusque chez nous pour nous parler de son roman « Par effraction » aux éditions MVO. Au revoir à tous et à très bientôt.